Enseigne-moi, Éternel, à voir tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Psaume 119, 33, 35. Loba mpona ngai, Yesu loba mpona ngai yo. Sakola mpona ngai, Yesu sakola mpona ngai yo. Kwetela yeba, liboso na kokende za lolenge nini. Na milenge lenge, liboso na kokende za lolenge nini. Loba mpona ngai, Yesu loba mpona ngai yo. Sakola mpona ngai yo, Yesu sakola mpona ngai yo. Mpwete na yebaga, liboso na kokende za lolenge nini. E na milengele, liboso na kokende za lolenge nini. Kala, mungu na sakana kina ngaye, koko wakela kina soyi, ngana kanisa kiyango chance, bale kisa kina nasema koloe, ngana kanisa kiyango chance libalae, banzolo konzoto nyoswe, ngana kanisa kishansa mayele, singana loketwe, Nana kanisa ki yango protection Natali saka lomboko na zela ye Ona ye ba venire nana yo Omo peple peri Fote de connaissance Omo peple peri Fote de connaissance Sakola mpona nga Yesu sakola mpona nga Kwete na yeba Liboso na kokende za lolenge nini Na milengele Liboso na kokende za lolenge nini Loba mpona nga Yesu loba mpona nga Sakola mpona nga Yesu sakola mpona nga Kwete na yeba Liboso na kokende za lolenge nini Na milengele Liboso na kokende za lolenge nini Neko, luka deliverance na yue pa ina nkolo Yesu Ko luka yango na abazebolate Ko luka yango na kokota na sena makolo na batote Me luka ngwe pa ina Yesu Kwete pa ina satana Malediction plus plus loba amen Amen Mama te soki nkolo Yesu akangoli Yo ozali solo monsomi loba amen Amen Mbeli susu kokosa na te Yawe ne mobateli Ce qui est à batelité, où y'a sali combattre la combattre la nambamba, no ba amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. pas. Amen. Amen. I am the Lord your God. I've sent my word to you, a word of blessing, of protection and power. And if my word abides in you abundantly, ask anything you desire, it shall be given you. For you are my people, you are so precious in my sight that I can't forsake you. I love you. C'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma baba.